du poil qui pousse dans mes narines. Je me sens congestionné. Je vais avaler 2 aspirines. Je vais décrotter le dedans de mon nez. J'ai un mal de tête comme ça se peut pas. J'ai le goût de m'acheter un chat, de cracher dans litière, de vomir sur le calorifère. En face d'une fenêtre ouverte sur la mer, j'ai le goût de crier va chier à toutes les nageurs, qu'ils se noient dans un cendrier de marde, qu'ils prennent feu dans un tas de fumier. C'est une chanson vulgaire, pas polie, conne. Vomir sur une bonne, pisser sur une moufette. Chanter une chanson sans accordéon.